à gauche. Tous ces comptes à rendre. Tous ces comptes à régler. Tous ces chiens bien dressés. Ça commence à faire trop, ces histoires de drapeaux. Ça commence à faire gris, ces histoires de parti. Ça commence à faire chier, ces histoires de papier. Ça commence à manquer, ces histoires de gilets. Ça commence à faire peur, ces histoires de malheur. Ça commence à faire trop, ces histoires de mafieux. Ça commence à faire trop. Ça commence à faire trop.